Bonjour à tous, j'ai hérité d'Auschwitz. C'est le titre d'un livre qui vient de paraître aux éditions Olivetan, un livre signé Christine Onijas, petite fille de déportée. Dans son livre, Christine Onijas raconte comment elle a perdu une partie de sa famille dans les camps de la mort, un témoignage qui montre que les horreurs du passé ont des répercussions violentes sur ceux qui ont échappé. Christine Onijas évoque le travail de deuil qu'elle a dû effectuer 50 ans après les faits, mais aussi les rapports qui l'unissent avec son père, unique survivant d'une rafle qui avait entraîné la disparition de ses grands-parents et de sa tante, alors âgée de 8 ans. Christine est chrétienne, elle a découvert le Christ chez les baptistes, l'une des branches du protestantisme. Je vous propose d'écouter son témoignage. Christine Onijas souhaite maintenir vivante la mémoire de sa famille au nom de tous ceux qui ont été décimés dans les camps. Donc mes grands-parents ont fait partie de la rafle du Veldiv le 16 juillet 1942. Et donc on est venu frapper à leur porte à 4h30 du matin. Ils sont montés dans un bus, ils ont été 3 jours au Vélodrome d'hiver et ensuite ils ont été envoyés sur Pithiviers puisque c'était là où étaient envoyées les familles. Et à partir de ce moment-là, ils ont été séparés, ils ont été envoyés séparément dans des convois et ils ont été exterminés à Auschwitz. Avec eux, leur fille ? Alors en fait, ma grand-mère a voulu partir avec son mari. Elle ne voulait pas rester sans son mari. Et comme la petite n'avait que 8 ans, elle a voulu l'emmener avec elle. Donc elle a laissé mon père, donc, qui était âgé de 15 ans à l'époque, et il restait encore mon arrière-grand-mère, la mère de ma grand-mère Lisa. Donc ils sont restés tous les deux et après l'arrière-grand-mère a aussi été arrêtée 6 mois plus tard. Donc seul votre père, qui avait 15 ans, a échappé. Mon père est le seul survivant de sa famille. C'est aussi de ça dont je voulais parler dans le livre parce que il s'est retrouvé tout seul et il a dû survivre avec un traumatisme terrible puisque quand on se retrouve tout seul à 15 ans, qu'on est juif, et qu'on ne sait plus quoi faire ni comment faire. Et donc c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué et qui a marqué toute notre famille. Comment a-t-il fait pour survivre et se reconstruire après la guerre? Votre père, il était orphelin, il avait perdu toute sa famille. Il avait tout perdu, il était orphelin. Il a volé, il a fait des casses, il a cambriolé des caves, il a revendu la marchandise qu'il volait au marché noir. Et un jour, il s'est retrouvé en prison à cause de ça, mais on pourrait dire que c'est certainement un mal pour un bien, parce que quelque part c'est ce qui l'a sauvé de la déportation. Apparemment, quand il a été arrêté, on n'a pas fait attention qu'il était juif, on s'est surtout attaché au fait que c'était un voleur, et il a fait de la prison, et il est sorti en fait après la libération. Donc après, bon, il a travaillé, il s'est débrouillé, là il a essayé de vivre honnêtement, et il a attendu que ses parents et que sa petite sœur reviennent. Il les a attendus, il les a cherchés, et puis vainement. Donc on imagine, c'était le cas de beaucoup de personnes juives qui cherchaient les rescapés, qui regardaient les listes. Voilà. Et lui n'a pas retrouvé sa famille. Voilà. Alors vous, dans votre livre qui s'intitule « J'ai hérité d'Auschwitz », paru aux éditions Olivetan, vous revenez bien sûr sur cette histoire que vous n'avez pas vécue personnellement, mais elle vous habite, cette histoire. Tout au long du livre, vous racontez les faits, vous êtes retourné d'ailleurs à Auschwitz. Mais qu'est-ce qui vous a poussé, vous, à écrire cette histoire? Bon, là, c'est là que les choses se compliquent un petit peu, parce qu'en fait, moi, j'ai toujours vécu avec ce mot. D'abord parce que c'est un mot, quand on parle des déportés ou des enfants de déportés, bien souvent ils ne connaissent pas, il y a un peu quelque chose de mystérieux dans la vie de leurs parents. Et chez moi c'était tout le contraire, quoi. Mon père il en parlait tout le temps. Il participait à toutes les commémorations, quand il était en colère, il parlait d'Auschwitz, quand il y avait des documentaires à la télé, il insultait tout le monde, enfin c'était quelque chose de très virulent. Il en parlait à tout le monde, il racontait beaucoup sa vie, enfin bon, c'est quelqu'un de très expansif, mais en même temps c'était un besoin qu'il avait d'être écouté, d'être aimé, d'être compris dans cette détresse qu'il a vécue, quoi. Et un jour, moi je me suis retrouvée, quand je suis devenue mère de famille, c'est vrai que il y a eu un déclic, j'ai eu envie de m'intéresser de plus près à toute cette histoire. J'avais vraiment envie de comprendre, de savoir ce qui était arrivé à mes grands-parents, comment ils étaient nés, comment ils étaient morts et qu'est-ce qui s'était passé pendant la Deuxième Guerre mondiale. Vous écrivez « J'ai hérité d'Auschwitz ». Oui. Ça signifie que moi, quand je suis née, j'avais déjà en moi un quelque chose, un héritage qui était là. Je venais de deux familles qui avaient déjà vécu des choses terribles. Et je pense que ma sœur et moi, on les a toujours eues en nous, ces choses-là. Et à un moment donné, il fallait savoir pourquoi on était sensible à certaines situations dans la vie, pourquoi on était révolté, pourquoi on n'aimait pas les gens qui étaient racistes, pourquoi on n'aimait pas des injustices. Ouais, des injustices. Ce que je voulais aussi essayer de faire passer dans ce récit, c'est que la guerre a encore des conséquences aujourd'hui. Il y a quand même 50 millions de personnes qui sont mortes. Si elles étaient vivantes aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Le monde y serait comment? Ça, c'est des questions que vous posez. Ouais. On peut pas oublier 1,5 million d'enfants qui sont morts, c'est pas possible. Qui sont morts pour rien, qui sont morts parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé qu'ils devaient mourir parce qu'ils étaient juifs. Non, on peut pas pardonner ça. D'ailleurs, chrétiennement, je le dis aussi dans mon livre, mon père, parce que mon père il était juif, mais il est devenu catholique. Hein. Et mon père, il a été torturé pendant des années parce que, il priait le Notre Père. Mais pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour lui, ça, c'était pas possible. C'était pas possible de ne pas pardonner pour être un vrai chrétien, si vous voulez. Donc, il y avait un dilemme, là. Alors, il y avait un dilemme. Mais en fait, on peut pas pardonner. On peut pas pardonner, on peut pas oublier. Mais c'est pas parce qu'on pardonne pas ça qu'on n'est pas chrétien. RCF, la vie des églises chrétiennes. Christine Onijas, vous parliez de la foi de votre père qui s'est converti au catholicisme. Mmh. Alors vous, la foi, elle a son importance puisque dans votre récit « J'ai hérité d'Auschwitz » paru aux éditions Olivetan, vous parlez de ce moment où la question de Dieu surgit dans votre vie. Mmh. Vous rencontrez des chrétiens baptistes. Qu'est-ce qui s'est joué avec la rencontre de ces hommes et de ces femmes? Déjà, j'ai rencontré des jeunes chrétiens. Et je m'étais jamais intéressée à la question, hein. Je cherchais pas du tout Dieu dans ma vie. Je cherchais l'amour, mais je cherchais pas forcément Dieu. Et quand j'ai rencontré des jeunes, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, ça existe des croyants, des jeunes qui croient en Dieu. Parce que pour moi, la religion, c'était pour les vieux, quoi. Et puis, ça s'est fait progressivement et en même temps d'une façon un peu spectaculaire, puisque moi, il y a vraiment eu une date, un jour, une heure où, ça y est, j'ai ouvert les yeux, je croyais en Dieu, quoi. Alors, forcément, c'était pas non plus un coup de baguette magique, ça s'est pas fait comme ça. Il y a eu après une période très difficile et après, vraiment, une coupure avec l'ancienne vie et... Et là, je suis allée à l'église. J'ai rencontré des baptistes, parce qu'à l'époque, il y avait des baptistes là où j'étais. Mais maintenant, actuellement, je suis dans l'église luthérienne, et peut-être qu'un jour, je changerai encore d'église, ça me dérange pas. Quel lien vous faites entre cette découverte de Jésus-Christ dans votre vie, et puis le passé, ce que vous nous avez raconté, et notamment l'héritage dur, douloureux de votre famille avec cette déportation dans les camps? Mon père, s'il n'avait pas cru en Dieu, il n'aurait jamais tenu le coup. Et moi, si j'avais pas rencontré la foi, si j'avais pas reçu la foi, j'aurais pas tenu le coup non plus. Dieu m'a sauvée de toutes les façons possibles. Et c'est un lieu d'échange avec votre père qui est catholique? Oui, c'est important pour lui que j'ai cette démarche spirituelle maintenant. Ça nous a beaucoup rapprochés. Moi, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses, évidemment. Parce que quand on est adolescent, on n'est pas tendre envers ses parents. J'en ai beaucoup voulu, je le cache pas. Parce que c'était pas quelqu'un de disponible pour sa famille. Mais maintenant, c'est différent. Bon, il a bientôt 80 ans, donc je vais être là pour lui, quoi. Est-ce que vous êtes en paix maintenant par rapport à cette histoire assez tragique de votre famille et la déportation de vos grands-parents à Auschwitz ? En fait, l'écriture de ce livre a permis en moi une espèce d'exorcisme, en fait. Dans mon texte, je le compare souvent à un monstre. Et c'est vrai que c'était ça, quoi. Parce que quand j'étais petite, que je voyais des images dans les livres, des photos de déportés complètement squelettiques, avec des yeux exorbités et tout, ça m'a certainement... Pour moi, c'était ça, le monstre, quand j'étais petite, quoi. Et le fait d'aller à Auschwitz et d'aller aussi dans tous les lieux commémoratifs, ça m'a permis de regarder le monstre en face. Oui, c'est-à-dire que vous avez réalisé un voyage, ah ouais, sur les traces de, ouais, vos ancêtres. Oui, je suis allée partout. Je dirais que j'ai accompli le travail de deuil que mon père n'a jamais fait, parce qu'en fait, tout ce travail n'a jamais été fait. Bon, par exemple, récemment, mes parents ont enfin pris la décision d'inscrire le nom des 4 disparus de la famille de mon père sur des pierres tombales, pour qu'on puisse avoir, nous aussi, un lieu familial, parce qu'on ne peut pas aller tout le temps à Auschwitz. Hein. Pour faire le deuil. Pour faire le deuil, et comme ça, quand on a envie de prier, et ben, on va sur la tombe. Et voilà, alors ils ont enfin admis que c'était nécessaire de faire cette démarche-là, que ça faisait partie d'un travail de deuil. Ils ont vécu avec tout ça, avec toutes ces émotions, ces douleurs, ces souffrances terribles, sans essayer d'en sortir, en fait, quoi. Et maintenant, mon père, malgré ses 80 ans, il prend le train, bon, comme il habitoire, en 2 heures, il est à Paris, et il est retourné dans son ancien quartier, là où ses parents ont été arrêtés, il va au mémorial de la Shoah, rue Geoffrey Lanier, enfin, il fait des démarches comme ça, parce qu'un jour, je lui ai dit, mais de toute façon, t'as jamais fait ton deuil. Et alors, il s'en était jamais aperçu, et le fait que je lui dise ça, c'était une révélation pour lui. Alors, ce qui est très beau dans votre histoire, c'est que vous, petite fille de déportée, vous avez fait le travail, vous avez fait un vrai travail sur vous-même, et du coup, vos parents, votre père, a pu, lui, accéder à ce travail de mémoire. Oui. Même s'il était déjà dans la mémoire, puisque vous disiez qu'il parlait beaucoup de ça. Oui. Et en fait... Moi, j'ai envie de dire que je les ai rencontrés, mes grands-parents. Bon, quand j'essayais d'imaginer leur vie, d'imaginer comment c'était la vie sous l'occupation, la vie dans le marais, tous les interdits que les Juifs ont supportés. Bon, à un moment donné, je parle de ma grand-mère. Bon, elle s'appelait Lisa, et je dis, mais Lisa, elle peut pas supporter la soupe, tout ça, toutes les choses, l'humiliation, les conditions de détention terribles qu'il y avait dans les camps. Et en fait, je me suis complètement mise à sa place pour écrire ça, parce que je me disais, mais moi, si j'avais été à sa place, donc voilà, j'ai écrit ça, mais vous lui avez donné la parole en quelque, ouais, sorte. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je veux, c'est un peu prendre le relais par rapport à mon père, parce que c'est vrai que bon, quand il sera plus là, qui est-ce qui va en parler? Et il faut pas arrêter d'en parler. Les petits-enfants et plus tard les enfants de vos enfants auront ce devoir de parler, de rappeler ce qui s'est passé oui, durant cette guerre 39-45. Oui, parce que le devoir de mémoire, bon, c'est un peu à la mode en ce moment, mais dans ma famille, j'ai pas pu faire de recherche généalogique parce que bon, ça vient de Lituanie, de Russie, de Pologne, enfin c'est très compliqué. Mais moi, je veux que mes enfants, ils sachent d'où ils viennent, ils sauront ce qui s'est passé dans la vie de leurs arrière-grands-parents, comme ils auront appris comment étaient leurs grands-parents, et ils auront un fil. C'est ça l'héritage dont vous parlez, ouais, dans le livre. C'est ça l'héritage. On sait d'où on vient, comme ça on peut savoir où on va. Christine Onijas, merci. Je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « J'ai hérité d'Auschwitz », un livre paru aux éditions Olivetan. Merci beaucoup. Le magazine écuménique, Béatrice Holtner. La suite de notre série sur l'orthodoxie, tout de suite en compagnie du père Michel Evdokimov. La semaine dernière, nous avons parlé de la place de l'icône. On sait que la figure de Marie est très souvent représentée dans l'iconographie. C'est justement du rôle de la Mère de Dieu dont le père Michel va nous parler aujourd'hui. Rappelons que Michel Evdokimov est théologien. Je crois que nous ne séparons jamais Marie de son fils. aussi bien sur les icônes. Vous savez qu'il y a plusieurs types iconographiques de Marie. Marie tenant son fils de telle ou telle manière. Alors ça sera la Vierge de tendresse, joue contre joue. Ou alors Marie tient son fils et il bénit. Et d'une main, Marie le tient et de l'autre, elle le montre. On appelle cette icône l'icône Odigitria, celle qui montre le chemin. Ou alors Marie qui a son fils en médaillon sur la poitrine. Mais toujours, elle est accompagnée de son fils. Elle n'est pas séparée de lui. Vous savez, il y a cette parole de l'Évangile. À un moment donné, il y a une femme dans la foule qui prononce ces paroles un peu crues, comme une femme pourrait le dire dans ce type de pays du Proche-Orient. Heureux le sein qui t'a allaité, qui t'a nourri. Bon, on dirait peut-être pas ça dans un pays comme la France. Et le Christ répond, mais non, heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Autrement dit, Marie, son mérite n'est pas d'avoir mis au monde l'enfant Dieu, encore que en soi ça soit déjà quelque chose de grand. Mais si elle n'avait fait que cela, elle ne serait pas devenue bienheureuse, elle ne serait pas celle que nous vénérons de tout notre cœur. Elle est grande parce que elle applique la parole de Dieu dans sa vie. Vous rappelez quand les bergers arrivent, Marie regardait ces choses, tout ce qui se passait, elle gardait tout cela dans son cœur. Et elle garde tout cela dans son cœur et en même temps elle le met en pratique. C'est-à-dire que elle dit à Dieu, je suis ta servante, je suis la petite servante du Seigneur, oui, qu'il m'en soit fait selon ta volonté. Oui. C'est elle qui se donne entièrement à la volonté du Père. Et cette volonté l'amènera à l'enfantement, à l'éducation de cet enfant qui lui a été donné, à le suivre. Ce sont les épisodes que nous connaissons bien, n'est-ce pas, les noces de Cana et surtout à la croix, n'est-ce pas. Lorsque le Christ dit à Saint Jean, fils, voici ta mère, et lorsqu'il dit à Marie, mère, voici ton fils, c'est là que, au fond, à travers Saint Jean, l'apôtre et le collège apostolique derrière lui, Marie est en quelque sorte donnée à l'Église. Mais vous avez des prières particulières à oui. Marie. Est-ce que vous dites le chapelet, par exemple? Non, nous ne disons pas le chapelet, mais nous avons une prière à Marie qui ressemble un petit peu à l'Ave Maria dans l'Église catholique, avec des bouts de phrases de l'archange Gabriel ou d'Élisabeth. Il y a simplement une chose qui nous sépare, c'est le dogme de l'Immaculée Conception. Qui est assez tardif dans l'Église catholique. Oui, il est de 1854. Nous ne voyons pas la nécessité de dogmatiser l'Immaculée Conception, c'est-à-dire le fait que Marie est née comme tout être humain, mais dès sa naissance, elle a été soustraite au péché. Donc elle n'a pas péché parce qu'elle a bénéficié d'une grâce particulière. Donc ça, pour vous, c'est clair, mais c'est pas la peine de le dogmatiser. C'est pas clair. Non, nous n'acceptons pas. Ah, vous n'acceptez pas cette conception. Non, nous n'acceptons. Pourquoi nous l'acceptons pas? Parce que si Marie est exemptée du péché, soustraite au péché dès sa naissance, elle n'est plus comme nous. Elle a une autre nature qui en fait presque une déesse, si vous voulez. Et donc, l'enfant qu'elle va mettre au monde ne partage pas notre nature à nous, il ne peut pas nous sauver. C'est là où il y a quand même une différence dans la conception de Marie. Nous disons que Marie, elle est sainte, elle est vierge, elle est pure, elle est dans ce sens-là immaculée, c'est un mot que nous acceptons bien volontiers, mais elle a été au contact avec le péché. C'est par la grâce qu'elle a été soustraite, qu'elle a repoussé le péché plutôt. C'est par son effort personnel qu'elle a repoussé le péché. C'est parce qu'elle a été instruite par l'ange au temple. Vous rappelez la fête de la présentation de la Vierge au temple le 21 novembre. Donc cette petite Marie, bon, c'est une légende, n'est-ce pas, c'est une tradition, mais spirituellement le sens est profond. Cette petite fille entre dans le temple, elle est reçue par le grand prêtre Zacharie, et puis elle va dans le Saint des Saints, là où personne n'avait le droit d'entrer. Mais elle, elle y va parce qu'elle est déjà la toute pure, elle est déjà la toute sainte. Et elle va rester au temple, d'après toujours la tradition, elle sera nourrie et instruite par l'ange Gabriel. Pourquoi ? Parce qu'il fallait que l'être humain qui était destiné à être le réceptacle de l'enfant de Dieu, de l'enfant Dieu, cet être humain soit d'une pureté parfaite, la plus parfaite possible. Si l'Esprit Saint représente la perfection de la sainteté au sein de la Trinité, la Vierge Marie représente la perfection de la sainteté et de la pureté au sein de l'humanité. Il y a un lien particulier entre elle et l'Esprit Saint. C'est parce que l'Esprit Saint la couvrira de son ombre qu'elle mettra au monde, d'une manière tout à fait incompréhensible et mystérieuse, l'enfant Jésus. Et en même temps, un théologien, mon père pour ne pas le cacher, Paul Evdokimov, disait, mais au fond, le Père a un lieu, il est sur le trône dans le ciel, le Fils a un lieu, il est assis à la droite du Père. Mais l'Esprit Saint n'a pas de lieu. Il est, comme dit la prière, partout présent. Et il remplit tout. Mais, disait-il en se reprenant, l'Esprit Saint a quand même un lieu, et ce lieu, c'est le cœur de Marie. Oui, il y a une espèce d'intimité, de lien, de rapprochement à faire entre l'Esprit Saint et Marie, qui est quelque chose de tout à fait étonnant. Certains croyants prient Marie afin qu'elle intercède auprès du Père. On retrouve cette tradition d'intercession ? Ah oui, absolument. Oui, elle est intercession. Vous avez remarqué que dans les apparitions, c'est en général la Vierge Marie. Et il n'y a pas longtemps, quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi est-ce que c'est surtout la Vierge Marie et pas Jésus, par exemple ? Pourquoi le Christ ne vient pas ? Alors, je n'ai pas de réponse théologique à cette question, mais l'idée m'est venue de dire, Marie a partagé entièrement notre nature humaine. Elle était créature humaine. Elle n'était pas comme son fils, à la fois humain et divin. Elle était uniquement humaine. Peut-être à cause de cela, et parce qu'elle vit dans la lumière de Dieu, à cause de cela, elle est peut-être plus proche des êtres humains et elle leur apparaît. Vous vous rappelez que le 15 août, vous fêtez l'Assomption, que nous appelons la Dormition, d'un autre mot, mais le sens profond est à peu près le même, avec une petite différence, c'est que nous disons que Marie est morte. Donc, d'après le dogme de l'Assomption, je crois, s'il me trompe, que Marie ne meurt pas. Marie est emportée. Elle est emportée, puisqu'elle est soustraite au péché. Nous disons non, elle meurt. Elle meurt, et il y a même une légende à ce propos. Vous savez que l'apôtre Thomas est celui des apôtres qui arrive toujours en retard. Il arrive en retard lors des funérailles de Marie. Et alors, il dit, ah mais je veux la voir, je veux en avoir le cœur net. Vous savez, Thomas, il peut pas croire sans voir. Alors il dit, ben viens, on va te montrer. Et alors, on rouvre le cercueil encore une fois, et le cercueil est vide. Là encore, on est dans le registre des légendes, des traditions, mais ces légendes et ces traditions ont un sens spirituel profond, je crois. Merci au Père Michel Evdokimov, auteur du livre « Ouvrir son cœur » paru chez Desclés de Brouwer. C'est la fin de ce magazine écuménique, mis en onde par Philippe Faure.